De retour à 69.3 FM Dark Babylon sur un autre vent, quelque chose d'un petit peu plus d'énergie, disons. Nous sommes backstage live au concert de Casey à la Manopie à prison de Bordeaux. Queen Sisters in the house. Ils sont en train d'allumer les micros de Casey et faire le soundcheck. Alors on se laisse là-dessus et puis on se revoit vers la fin de l'émission.